Strike sont quand même assez violents, les face à face de game culte là. Super Meat Boy contre Assassin's Creed 4. Ouais, c'était un peu. Ouais. Tu vois le truc quoi. Tu sais, c'est David contre Goliath quoi, en quelques ans. Mais finalement. Non, c'était. Ouais. Ouais, mais vas-y, Manu, je t'en prie, oui. Dès le premier tour, en fait, c'était déjà. À la fin du premier tour. C'était déjà le massacre. Et Sylvain, toi, comment t'as trouvé ça ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Parce que moi, j'ai pas. En deux mots, évidemment. Bon, bah vas-y, en fait, en gros, si tu veux, c'était que. Tu sais, ils ont fait une sorte de face à face. C'est-à-dire qu'ils ont pris, je crois, des jeux un peu arbitrairement, c'est ça ? Mmh. Donc les autres simplement opposés. Donc, comme je disais un peu, moi je disais, tu vois, Super Meat Boy contre Assassin's Creed 3, ce genre de choses, tu vois. Oulala. Ça n'avait peut-être pas trop de sens, tu vois, il n'y avait pas non plus de cohérence de genre, ce genre de choses. C'était juste, donc voilà, mettre plus ou moins les derniers succès de ces dernières années. Mais finalement, la question que ça pose derrière, après, bien sûr que ça peut amuser, mais c'est finalement, à quoi ça sert, finalement, c'est vrai que délire un jeu de gêne. Sylvain, je t'en prie. C'est vrai que ça m'a un petit peu gêné au niveau du choix. Parce que c'est vrai qu'il y avait des jeux qui avaient rien à voir entre eux. Oui, tout à fait, ouais. C'était un petit peu bizarre. Mmh. Cela dit, je pense que c'était justement pour éviter que ce soit uniquement des genres, une guerre de genres en fait, à la fin. Et d'ailleurs, le classement final le prouve. Hein, y a des surprises. Ouais, y a on a vu que GTA V. C'était lequel ? Du coup, je me souviens plus du classement final. Ouais. On a vu quand même qu'il y a eu pas mal de surprises. GTA V a justement été mis dehors par Skyrim. Après, bon, moi, le seul souci qui me gêne dans ce tournoi-là, c'est finalement les gens ont un petit peu oublié le principe du tournoi. C'était le jeu de la génération. Ouais. Et on a l'impression plus que c'est le coup de cœur de la génération. En fait, je sais pas si vous avez le même avis. Ouais, je suis assez d'accord. Déjà, moi, j'aimerais déjà qu'on définisse ensemble qu'est-ce que c'est un jeu de génération. C'est quoi pour vous ? Là, je pense que c'est plus pour pouvoir célébrer la fin de la Xbox 360, de la Wii et donc de la PS3. De la génération d'ailleurs, 7, bon, après, effectivement, il y a des jeux PC dedans, mais voilà, la plupart quasiment tous sont sortis sur console aussi. Donc voilà, je pense qu'effectivement, c'est surtout pour les consoles qui s'arrêtent pour en voir arriver d'autres. Ouais, bah, tout à fait. Enfin, c'est ce qu'on appelle la fin de la génération 7, en référence mais, à... Mais que, je veux dire, comment on peut définir le jeu de la génération dans c'est le vrai, sens ça. Où... Quelles doivent être les qualités, les défauts, enfin, les propriétés d'un jeu de génération ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce que c'est le meilleur jeu de la génération ? Ou est-ce que c'est plutôt le jeu dont on se souviendra parce qu'il représente parfaitement cette génération ? Si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément un jeu qu'on aime pour moi, le jeu de la génération. Oui, c'est ça, mais exactement. Moi, je suis parfaitement de cet avis. C'est vrai qu'on parle plus du jeu qui a marqué. Par exemple, sur l'App Store, il y a eu les 5 ans de l'App Store il y a pas très longtemps. Mm-hmm. Et c'est vrai que effectivement, lorsqu'il a fallu faire un classement, il y a eu un classement sur les meilleurs jeux de l'App Store, mais il y a aussi eu un autre classement sur les jeux qui ont marqué l'App Store. Et je pense que ce tournoi-là de Game Cult, c'est plus effectivement les jeux qui ont marqué la génération. Après, voilà, on peut dire. Le problème, c'est que voilà, est-ce que le public de Game Cult suit, on va dire le rythme. Je ne sais pas quel est l'objectif de Game Cult. Je fréquente pas ce type. Après, bon, de toute façon, la plupart des jeux, c'est des jeux gamers, hein, à part deux ou trois. Voilà, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Mais c'est vrai que bon, si je devais choisir aujourd'hui le jeu de la génération, attends, tu vois comme je tease. Non, c'est vrai que en fait. Aujourd'hui, si j'avais dû choisir deux jeux de la génération, ça serait certainement pas The Last of Us, parce que c'est un jeu qui est sorti finalement il y a pas très longtemps, et il y a eu tellement d'autres jeux avant qui sont sortis et qui méritaient peut-être mieux ce titre. D'accord. Qui ont vraiment marqué. Après, oui, The Last of Us est un excellent jeu, mais est-ce qu'il a vraiment marqué la génération ? Je suis pas nécessairement sûr, effectivement. Dans les critères qui entrent en compte, est-ce que on va dire que c'est pas non plus le nombre de ventes, même s'il faut quand même avoir un certain succès public, on est d'accord ? Ouais. Enfin, donc faut un minimum quoi. Après je sais pas si on peut dire que c'est 1 million minimum ou j'en sais rien, mais bon c'est clair qu'on va peut-être pas le donner à tu vois enfin franchement non, mais après, au contraire moi ça m'aurait pas choqué de le donner à un jeu qui se vend pas très bien. Ouais je suis pas nécessairement sûr. Ouais, Manu, c'est plutôt la vas-y Manu les caractéristiques. C'est plutôt jeu. La base. C'est plutôt, ça serait plutôt la base en fait, la base d'un jeu en fait, ce que le jeu a apporté en gros dans le dans la, sur la génération, ouais. sans partir forcément avec des quantifiables. Ou le socle de base d'un jeu. Voilà, on a eu quoi, GTA, il y a Last of Us, mais c'est des jeux en fait qui ont déjà du bagage derrière. Ça n'a pas énormément changé. Ça serait les jeux qui auraient réussi à prendre des éléments d'autres jeux à la base, ouais. et pour faire quelque chose de nouveau qui a jamais été vu et qui ont un peu défini un nouveau genre en eux-mêmes, quoi. D'accord. Ce serait plus comme ça. Enfin, moi, je vois un jeu de la génération comme ça et pas forcément un truc comme comme on a dans les Video Game Awards ou les machins d'E-Cube à la con où au final, ouais. C'est un peu du copinage et c'est surtout, qu'est-ce qui s'est vendu, qu'est-ce qui s'est pas vendu. Voilà. Le nombre de suites, tu vois. À partir du marketing, quoi. Le jeu qui a généré le plus grand nombre de suites. Est-ce que déjà on pourrait commencer, ne serait-ce que par ça, définir un peu quelle est cette génération en fait. Qu'est-ce qu'on a vu de nouveau sur cette génération? Pas forcément en termes de jeu, mais en termes de fonctionnalités. Sans hésiter, les DLC, je pense que. D'accord. Le jeu en ligne en général et les DLC, c'est un peu démocratisation du jeu en ligne. Ok, le DLC. Voilà. C'est-à-dire des micro-paiements en fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi pas mal de social. Il y a du motion gaming. Il y a pas mal de choses finalement. C'est vrai, oui. Mais après, je pense que le motion gaming, c'est plus une bulle. Et ce qu'on devrait retenir, c'est pas tant la percée du motion gaming, c'est au contraire sa perte. Oui, tout à fait. Ah oui, d'accord. Après, le jeu de la gêne va pas forcément être un jeu de motion gaming. Mais c'est vrai dans qu'on le sens, c'est pas forcément, on va dire la plus grosse feature de cette génération. Mais il faudrait au moins qu'il y ait sûrement des aspects sociaux, sûrement qui voilà du multijoueur, de ce genre de choses. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, oui, cette génération a vécu plusieurs vies en une seule, si je peux dire un peu. Absolument. C'est que on parlait effectivement donc de l'avènement et de la chute, enfin de l'explosion, on va dire, de la bubble, de la bulle. Du motion gaming en quelque sorte, hein. Et on peut parler aussi bien sûr de je sais même plus ce que j'allais dire juste après, mais on peut parler effectivement de l'arrivée massive des jeux indie qui ont pu effectivement se faire une place face à des gros blockbusters. D'accord, je pense que même s'il y a toujours une part de chance, hein, comme dirait Jeff Vogel, il y a effectivement aujourd'hui des jeux indépendants faits par un ou deux mecs qui sont aussi réputés, en tout cas dans la communauté, que des titres qui sont marketés à grands coups de trailers au cinéma, ce genre de choses. Donc c'est aussi assez impressionnant de voir en fait cette réunion véritable. Et moi, l'impression que j'ai eue, tout simplement, c'est de voir que toutes les époques de jeux vidéo se sont mélangées, enfin pas se sont mélangées, mais se retrouvent pour la première fois côte à côte. Et ça, autant au niveau critique que public. C'est-à-dire que on peut très bien aujourd'hui avoir un jeu comme Super Meat Boy, bon, après je dis Super Meat Boy, je pourrais dire aussi Banning of Isaac. Super Meat Boy, c'est exactement. Enfin, il y a Fez aussi, c'est vrai que aujourd'hui, on en arrive beaucoup à attendre plus un jeu indé qu'un gros blockbuster, parce que forcément, le gros blockbuster, il va être. Bon, je prends par exemple Call of Duty ou Battlefield qui viennent de sortir. C'est des jeux, on sait à quoi s'attendre chaque année finalement, et alors que le jeu indé, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il va être différent du gros blockbuster. Ouais, mais ça dépend, ça. Manu, ça dépend, ça aussi. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux indés qui se basent sur des trucs soit super rétro, comme les machins Bros ou je sais pas trop quoi. Robros, je connais pas. Des jeux, en fait, qui restent basés... Enfin, qui restent du run and gun, des machins qui ont déjà été vus plein de fois et qu'il y a quand même pas beaucoup de jeux qui vont être, comment dire, des jeux indés, mais avec un concept intéressant et qui tiennent vraiment sur la durée et qui en font un jeu, quoi. Oui, mais c'est pas ceux qui vont tenir le plus longtemps. Et tu pensais à Bullet Bros. Qui tiennent le plus longtemps en termes de comment dire, en termes de game design, de gameplay. C'est-à-dire qu'on peut avoir une super idée géniale. Quand on prend Braid, par exemple, Braid, on peut en faire un jeu entier. The Stanley Parable, par exemple, en faire un jeu entier, au bout de deux heures, on s'emmerde, quoi. Enfin, c'est comme dit Rester, quoi. C'est des jeux qui en tant que jeu, au bout d'une heure, t'as fait le tour du jeu, quoi. C'est ça que je veux dire, en fait. Et au fait, je trouve qu'il y a énormément d'indies qui restent quand même soit sur des trucs complètement conceptuels qui vont durer une heure, qui vont être une expérience courte et intense. Hommage et puis des jeux qui vont être super super old school, vraiment, et qu'on n'a pas encore ce juste milieu. Bon, il y a eu Braid, il y a eu Fez, il y a Limbo, il y a eu des trucs comme ça. Mais ça reste, enfin voilà, c'est je trouve que ça manque encore d'une vraie, comment dire, d'un côté en fait, un peu pas mainstream, mais un côté un peu plus charme du jeu indie. Ah oui, mais bien sûr. Moi, je dis pas le contraire. C'est que c'est très intéressant. Mais au bout d'un moment, on arrive au même point. Je trouve qu'on arrive un peu au même point que justement, on a plein de blockbusters, plein de FPS, plein de TPS, machin. Et au final, on se retrouve, l'indies, on se retrouve avec plein de jeux conceptuels, plein de jeux conceptuels, plein de jeux conceptuels. Et au final, il n'y a plus vraiment de juste milieu, quoi. Je vois ce que tu veux dire, oui. Donc c'est ça en fait, et bon, au niveau des jeux de la génération, c'est qu'on va dire bon ben c'est super, on va soit mettre que des jeux bon voilà super mainstream comme là on a eu le résultat chez Gamekult avec des trucs comme GTA V et tout ça, et puis on va avoir soit des trucs mais super conceptuels, et au final tous les jeux qui sont bien, qui restent enfin qui englobent un peu tout bien les comment dire tous les différents les différentes visions de gameplay qu'on peut avoir, et ben, ils passent direct à la trappe, en fait. Moi, je pense à Left 4 Dead 2, je pense à Mirror Edge, tout ça. Ce sont des jeux qui ont pourtant apporté énormément de trucs, beaucoup plus que GTA V, parce que c'est des jeux qui sont un peu, comment dire, qui posent un peu une nouvelle base, une nouvelle base pour du jeu un peu différent. Ouais. Mais ça, c'est des jeux qui sont passés directement à la trappe, quoi. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est que tu cites Mirror Edge, tu cites Left 4 Dead. Ouais. Mais est-ce que justement, ce sont des jeux qui ont produit des clones, ça veut dire qu'ils ont vraiment lancé une tendance? Alors moi je trouve que Left 4 Dead 2 oui carrément, parce qu'avant la coop c'était Serious Sam, enfin c'était à 16 dans une map à cartonner des monstres en reculant, au niveau du FPS c'était la coop c'était du Team Fortress, donc deux teams qui s'affrontent, et puis c'est un peu au niveau comment dire, ça reste du bourrinage, quoi. C'était Counter-Strike et tout ça, alors que je trouve que Left 4 Dead, ça a vraiment, ils ont, enfin on peut le voir avec des jeux comme Dead Rising ou des jeux comme PDR, qui ont vraiment basé la coop sur quatre personnages sur de l'IA. Mais à côté de ça, c'est pas seulement on tue de l'IA en famille, quoi. Ça reste quand même tout un système de gameplay sur l'entraide, sur si je me retrouve tout seul, ben je vais me faire tuer. Enfin, tout est basé pour qu'on reste en groupe, pour que ça soit vraiment de la coop avec je te file des soins et où tous les ennemis, toute l'IA est basée justement sur ce concept de je dois séparer les gars. Je dois séparer le groupe, diviser le groupe pour pouvoir les avoir, quoi. D'accord, mais je trouve que ça, il y a énormément, enfin ça a apporté énormément, beaucoup plus de trucs dans la coop et le jeu online que n'importe quel autre jeu comme Skyrim, comme GTA Online, trucs comme ça, quoi. Enfin, oui, enfin c'était plus cas, cohérent, quoi. Qui sont des licences déjà vieilles de plus d'une génération, oui, dans tous les cas. Mais c'est ça d'ailleurs qui me gêne dans le concours du jeu de la génération, c'est que les gens ont voté pour leur jeu préféré. Ils n'ont pas voté pour le jeu qui a marqué. Ça. Et d'ailleurs, on voit rien qu'au premier tour. Je regarde là, je suis sur le site, je vois que des jeux comme Borderlands 2, il s'est fait dégager par Red Dead Redemption. Alors bon, Red Dead Redemption, encore une fois, c'est un excellent jeu, j'ai jamais eu le contraire, mais c'est vrai que ça reste un GTA dans le Far West. Pareil, voilà, Batman Arkham Asylum se fait dégager, Left 4 Dead 2, pardon, se fait dégager par Batman Arkham Asylum, Gears of War se fait dégager par The Witcher 2, alors que Gears of War, c'est typiquement le bon exemple là-dedans, et qui me gêne, c'est que ça a redéfini complètement le jeu de shoot à la troisième personne. Enfin, à la base, c'était Resident Evil 4, mais c'est vrai que pour cette génération, puisque Resident Evil 4, Gears of War l'a quand même rendu plus dynamique. Carrément, et puis le côté waouh, le côté over the top, enfin c'est surtout un FPS en TPS avec plein de trucs fun, oui, mais carrément. Ouais. Après, voilà, pour pas nous attirer les foudres des gamers, encore une fois, ça reste des très bons jeux, évidemment. The Witcher 2 qui dégage Gears of War, The Witcher 2 c'est un super jeu, mais voilà, il y a encore. C'est un RPG. Pour rester clair sur l'idée, voilà, c'est pas le jeu préféré de la génération, voilà, on a tous le jeu préféré. Ouais, mais aujourd'hui, sinon, ça sort pas. Ça veut rien dire. Jeu préféré de la génération. Chacun a son jeu préféré. Visiblement, les lecteurs ont choisi. Ils ont pas choisi le jeu qui a marqué. Ils ont choisi leur jeu préféré. Après, c'est une question de vote. J'apprécie pas du tout Heavy Rain. Pas parce que j'aime pas la vision de David Cage, mais parce que je trouve que c'est un mauvais jeu en tant que tel, quoi. Mais j'ai quand même voté pour lui dès qu'il se retrouvait face à des trucs. Il se retrouvait contre qui d'ailleurs? Je me souviens même plus. Contre Mass Effect. Contre Mass Effect, voilà. Parce que pour moi, Mass Effect, ça reste un. Ben, ça reste un RPG US ancien, quoi. Pour Mass Effect, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas penser Mass Effect comme le premier Mass Effect, il faut penser le Mass Effect comme une trilogie. Et je pense que ça a complètement redéfini le RPG cinématographique. Je pense que c'est à partir de Mass Effect que le RPG occidental est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et qui a complètement ratatiné le RPG japonais. Je trouve que ça reste Elder Scrolls aussi, ça a pas mal contribué. Ça reste quand même du RPG US comme on avait en 2D avant, Amiga, sur les vieux PC et tout ça. Sauf que voilà, il est en 3D, il y a plus de trucs qu'on peut faire. C'est vrai. Ça pour moi. Si on part par là, est-ce que Heavy Rain, c'est pas simplement, enfin pas simplement, mais un peu plus qu'un point and click, mais une forme de point and click? C'est pas simplement un jeu d'aventure avec juste quelques scènes mises en scène par des vrais joueurs. Point and click, oui et non. Enfin, je sais pas. Un peu redéfini quand même, on va dire. Ouais, je trouve que on a des point and click, mais ça reste quand même vachement éloigné d'un point and click parce que c'est quand même vachement plus linéaire. Ouais, on n'est pas dans. Dragon Slayer, il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça, déjà d'une. Discworld, tout ça, il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça. Et puis je trouve que, non, ça reste quand même une idée, quand même, de mettre le joueur. Beaucoup plus dans la narration, je pense. Ouais, voilà, plus dans la narration. Je trouve que Walking Dead est vachement bien, mais Walking Dead, c'est pareil, c'est plus le côté empathie qu'on peut éprouver dans une histoire comme ça. Et puis surtout que les choix étaient faits de sorte. Enfin, c'est super bien camouflé, alors qu'au final, que ça soit Heavy Rain ou Walking Dead, on aura toujours le même dénouement. Mais c'est la façon dont c'était créé au niveau des choix que tu pouvais faire et que selon les choix que t'allais faire, toute la narration était cohérente par rapport à comment te faire retomber sur le prochain nœud scénarique, en fait. Il n'y avait pas énormément de nœuds, il y en avait quelques-uns, et c'est vrai que c'était pas mal foutu. Bah, disons que voilà, c'est ça. Alors que, je trouve que c'était ça qui faisait que ça avait quand même plus de gueule d'avoir un jeu de la génération comme ça que... C'est vrai qu'un point and click classique, on a toujours connu des histoires qui se passaient toujours. Enfin, il n'y avait qu'un seul chemin. Il n'y a jamais eu. Oui, et puis c'était toujours un peu n'importe comment. Il y avait une seule et unique solution, en fait. Va mettre le fromage. Va mettre le fromage dans la bouche de l'armure. Enfin, un truc un peu. C'est ça. toi, tu joues à Myst. Mais c'est vrai que là, t'avais quand même plusieurs solutions à chaque fois. Donc, c'est vrai qu'on pourrait en parler aussi. Mais c'est vrai qu'en par rapport à ça, en fait, est-ce que, enfin, depuis tout à l'heure, vous avez cité plus ou moins des éléments que je qualifierais, on va dire, de quantifiables, c'est-à-dire de mesurables, en citant par exemple Left 4 Dead, voilà, pour dire qu'on est arrivé effectivement à une forme de coopération dans l'équipe qui est un peu plus poussée que ce qu'on avait avant, Mass Effect, que citait notre camarade Sylvain, mais puisque tu cites un peu Heavy Rain, et même si là je vais plutôt surfer sur le créneau marketing du jeu, c'est-à-dire est-ce que on pourrait tout simplement considérer qu'effectivement un jeu qui n'a pas forcément tu vois de mécanique un peu révolutionnaire, un peu machin, mais juste te dire putain ce jeu je l'ai testé et enfin j'y ai joué et j'ai eu des émotions. Ça veut dire pourrait-on on va dire désigner un titre qui effectivement a quelque chose dont la valeur principale est quelque chose qui n'est pas mesurable. Oui, mais encore une fois, c'est pas un jeu de la génération. Émotion, c'est un jeu qui est excellent, c'est un des excellents jeux de la génération, et tu sais que il y en a eu des excellents jeux pendant cette génération. Ouais. Mais par exemple, là, toujours sur le classement GameCube, je vois que Uncharted 2 a battu Sonic Generation. Encore une fois, Uncharted 2 est un excellent titre, mais même si moi personnellement j'aime pas la licence, Sonic Generation, je trouve, avait mieux sa place dans les dernières places du classement de la génération, parce que c'est un peu Sonic Generation, c'est un peu le symptomatique de ce qui a provoqué tous les problèmes au niveau des développeurs japonais. C'est un jeu qui est à la fois dans le passé, à la fois dans le présent, mais sans jamais réellement arriver à trouver le meilleur des deux mondes. Oui. Et finalement, c'est vraiment ce qui a marqué cette génération. Et donc, voilà, il cumule en fait, tous les problèmes. Ça pourrait tout aussi bien être un mauvais jeu, finalement, le jeu de la gêne. Oui, exactement. Simplement, on cherche un jeu qui a vraiment marqué pour une raison ou pour une autre. Voilà, c'est ça, carrément. C'est ça, c'est un jeu qui a marqué. Moi, par exemple, je trouve que Minecraft a beaucoup plus de... Marqué, effectivement. Beaucoup plus marqué, alors que c'est un jeu complètement pourri. Enfin, perso, je trouve que au niveau game design, tout ça, il y a énormément de cohérence et tout ça. Le problème, c'est qu'il y a Minecraft, depuis qu'il y a eu Minecraft, il y a eu des tonnes de clones après. Et Heavy Rain, c'est la même chose, en fait. Je pense pas qu'on aurait eu un jeu comme... Walking Dead, s'il n'y avait pas eu Heavy Rain ou même Fahrenheit avant, quoi. Oui. C'est pas sûr du tout. Hein. Donc c'est pour ça, je pense que c'est un jeu de la gêne, ça serait plutôt un jeu qui pose un jalon un peu, mais un jalon pour le futur, en fait, en gros, je pense. Oui, je vois ce que comme, Journey aussi, je pense que Journey, c'est un jeu, bon, c'est un jeu qui a super minimaliste, mais. Ah bah, tu vois, c'est typique ce que je citais. C'est vrai, je pense c'est que c'est carrément. Quand même. Comment ça? Je trouve que c'est un bon candidat au jeu de la gêne, Journey, parce que finalement, c'est un jeu qui ressemble assez, enfin qui est assez conceptuel, qui est assez proche de, tu sais, d'un jeu indie, mais qui reste quand même un jeu produit par. C'est surtout un jeu qui est de la coop, quoi. Mais c'est de la coop de toute façon, c'est pas la coop de Left 4 Dead, c'est pas la coop de Serious Sam. Il y a une dimension donc en ligne donc normale forcément sociale. Ouais. T'as une dimension de jeu simple et jeu conceptuel, jeu indie. Il y a pas de combat, enfin quasiment pas. Surtout, ça a jamais été fait avant. Enfin, si, il y avait un jeu. Bah, en fait, je pense que encore une fois pour Journey, il faut pas voir comme un seul et même jeu. Il faut voir comme les autres jeux qui sont sortis de The Game Company. C'est ce jeu qui est développé par. Et donc comme Flower ou Flow ou tout ça, c'est des jeux très conceptuels où il y a pas de combat. Quasiment pas. Il y a pas de violence. C'est vraiment quasiment que de l'exploration. Et depuis l'arrivée de Flower et même d'autres jeux de même genre, c'est devenu quasiment une mode. Aujourd'hui, quand on va dire dans 60% des cas, c'est un peu un chiffre sorti de mon chapeau, mais bon, on va dire à peu près ça. Aujourd'hui, 60% des jeux indépendants, on retrouve un peu cet aspect très conceptuel. C'est même pas un jeu. Finalement, c'est plus une expérience qu'on aime ou pas. Mais voilà, aujourd'hui, la plupart des jeux indés, c'est devenu une expérience. Oui, et d'ailleurs, The Stanley Parable, on en a parlé tout à l'heure, c'est une expérience. C'est pas un jeu. Oui, c'est un jeu parce qu'il y a du. Oui. Il y a quand même du. Comment dire, il y a une cohérence, il y a un cheminement, il y a une. Comment dire, il y a. Si, ça, c'est intéressant quand même parce qu'il y a. Le côté c'est une expérience interactive en fait. Oui, mais enfin plus que enfin il y a toute une comment dire, il y a toute une logique au niveau du gameplay, du game design, c'est pas quelque chose qu'on fait comment dire que le concepteur va pas dire bon ben là je vais faire ça parce que j'ai envie quoi. Je sais pas comment expliquer ça, je veux prendre Braid par exemple. Braid on a un truc qui est basé sur le temps, mais à côté de ça Jonathan Blow, il veut tellement utiliser le temps qui des fois il casse un peu la cohérence de son jeu justement pour servir son gameplay, et je trouve que des fois c'est pas cohérent et ça va pas et ça fait de mauvaises choses quoi. En fait voilà, et donc je pense que Journey tout ça, enfin même ça les paraboles, il y a quand même un truc qui fait que voilà ça tourne en boucle, le scénario tourne en boucle et tout ça, mais justement ça te permet de voir que ce que tu as fait avant avait une incidence. Même si tu le savais pas, alors que c'est, par exemple, apparemment, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans Beyond où, justement, bah, tu fais un truc, mais tu savais pas que tu pouvais le faire, et au final, t'as un truc complètement incohérent parce que, bah, tout est cassé par des trucs que tu n'as pas fait. On t'a pas montré que tu pouvais les faire, voilà. C'est pour ça que je trouve que Stanley Parable a quand même un gameplay, enfin, une cohérence, une logique, enfin, pas une logique, non, une cohérence et il y a un vrai gameplay dedans quand même, quoi. Mais intention quoi. Après autre chose qui me taraude, c'est que bon les gens qui nous écoutent vont certainement se dire ouais mais finalement on veut juste élire le meilleur jeu et pas forcément le plus représentatif. Mais enfin est-ce qu'il est possible selon vous tout le monde hein, je m'adresse à tout le monde d'élire un jeu enfin un seul jeu qui ressorte sur toute une génération, tout éditeur confondu, tout genre de manière confondu, générale, hein. C'est pas possible. Est-ce que c'est possible d'élire un seul jeu parmi tant de genres? C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible non plus. Ouais, non, je pense pas. C'est pour ça que c'est incohérent de le faire dans ce sens-là. Le problème de GameCult qu'ils ont fait, c'est qu'ils disent que ils appellent ça le jeu de la gêne, mais à côté de ça, je crois dans la description, ils disent que c'est bien celui qui est le plus représentatif de leur génération, un truc comme ça. Donc, du moment que tu demandes, il n'a pas l'air d'avoir reçu le message. Quoi. Voilà, non, mais le problème, c'est que même ça, enfin, tu appelles pas un jeu de la génération, si tu dis c'est le jeu le plus représentatif, parce que oui, le plus représentatif, ça va forcément être, enfin, au final, oui, ça, c'est ça quoi, représentatif, c'est les open world quoi. On se retrouve avec Skyrim et puis Last of Us. C'est du bac à sable. Voilà, c'est du bac à sable et tout ça. Donc c'est représentatif, mais donc t'appelles pas ça le jeu de la gêne quoi. Enfin, le jeu de la génération, non, parce que c'est d'autres critères. C'était déjà avant aussi, en plus. Oui, voilà. En plus, c'est ça. Mais c'est donc voilà, jeu de la génération, ça amène d'autres critères qu'un simple truc. Qu'est-ce qui est représentatif, quoi. Donc, c'est je suis d'accord. Sylvain, je t'en prie. Il faut que je conclure. Non, tu voulais intervenir, j'ai l'impression. Je trouve ça encore plus bête, c'est que les joueurs n'aient pas de recul de voter, enfin de prendre ça en compte, quoi. C'est voilà, on leur donne un truc à bouffer. Allez-y, votez jeu de la génération. Bon ben, c'est la guerre du zizi, quoi. Après, de toute façon, c'est un public de gamers, donc dans tous les cas, évidemment, que la plupart des gens ont voté pour leur jeu préféré. Ça va de soi. Je veux dire, je pense que d'ailleurs, on le verra dans ce podcast lorsqu'il faudra donner le nom de son. De son jeu de la génération. Évidemment que on va pas être d'accord. Il y aura, je pense pas à mon avis qu'il y aura un jeu qui va ressortir parce que voilà, chaque profil est différent. Et puis je pense qu'effectivement il aurait plus fallu vraiment appuyer sur le fait que c'est vraiment le jeu qui a marqué et non pas le jeu qui était le meilleur. Et c'est vrai que de ce côté-là, Game Cult a peut-être joué un petit peu l'ambiguïté pour s'attirer un peu plus de. Et puis de toute façon, la sélection des jeux dans ce classement, voilà, c'est pas, y a pas de jeu qui. Enfin, et on les attendait, voilà, tu les attends dans un classement comme ça. C'est clair, en plus, t'as pas de jeux portables, et t'as surtout même pas les jeux smartphones et tout les ça. Les portables, elles sont dans une autre génération, c'est pour ça d'ailleurs. Oui, c'est une autre génération, de l'autre côté. Une génération, ok, on part du principe que, bon, on prend l'unité de temps d'une génération de consoles de salon, et puis on voit les jeux qui sont sortis pendant cette génération-là, quoi. Ils auraient pu faire un truc comme ça, parce que, je sais pas, jeu de la génération, Angry Bird est quand même vachement bien placé. Mais il a raison. C'est pas la génération dont parle Game. Voilà, mais c'est ça le problème. Jeu de la génération, ça englobe, enfin, c'est quoi, jeu de la génération des consoles de salon, jeu de la génération des consoles portables, il aurait fallu préciser, quoi. Moi, c'est la première chose que je me suis dit, parce que jeu de la génération. Ouais. Je pense qu'on parle de la génération de consoles de salon. Voilà, bien sûr, mais de toute façon, avec ce qui était. Avec PC confondu, hein, parce que ça fait. Enfin, le PC fait partie des générations, finalement, de consoles en termes de time. Surtout ça, parce que. Donc, à mon avis, voilà. Donc, on peut inclure aussi le PC dedans, c'est pas interdit. Mais il y a des jeux PC. Oui, il y a des jeux PC, mais c'est des jeux multiplateformes qui sont sur console. Hein. Enfin, il n'y a, pas de jeux purement PC. Donc, pas d'exclusivité. On ne va pas sortir StarCraft 2 comme étant le jeu de la gêne. Voilà, alors que World of Warcraft, il aurait très bien pu être un jeu de la gêne aussi, vu tout ce qu'il a fait, les mots et tout ça. Quoi. Ouais, il faisait partie de la gêne d'avant. Voilà, en plus. C'est dommage. Par rapport à ce que tu disais aussi un peu, Manuel, dans tous les cas, c'est que on voit bien après, là juste, pour se concentrer un peu sur, on va dire, le public Game Cult, même si on va dire que. Voilà, on pose ici la question voilà, de nos ressentis, mais si on se penche maintenant sur le public un peu game culte, c'est de se dire également que le public n'est pas éduqué, on va dire, entre guillemets, au game design. C'est-à-dire que les tests vont plutôt, enfin, l'idée qu'on a des tests, c'est dire effectivement, bon là, et surtout game culte, d'accord ? C'est voilà, dire, bon, c'est vrai que là, l'effet de l'eau est un peu mal fait, tu vois. Les tests de Game Cult sont quand même, un des rares sites qui sortent des pavés pas possibles sur certains jeux, mais c'est un des rares sites qui s'intéresse vraiment aux différents aspects du jeu vidéo. Et c'est, je pense que le public de Game Cult est un petit peu plus, je vais m'attirer sans doute des foudres, mais un peu plus mature, ouais, c'est ça, d'accord. Un petit peu plus évolué, on va dire. Okay. Par rapport au public, je sais pas, de Gameblog, de Judo.com, qui eux sont là pour lire, on va dire, plus la conclusion, pour un peu grossir les traits, alors que effectivement le public de Game Cult va vraiment chercher vraiment dans les détails. Et d'ailleurs, ils multiplient les articles, pas forcément des tests, mais ils multiplient les articles sur les différents aspects du vidéo. Et je pense que vraiment, il y a un public qui est différent. Cela étant, ça reste encore une fois des gamers. Mmh. Et le gamer, voilà, il va être là. Ah, je veux que mon jeu préféré soit dans le top 2. Et d'ailleurs, lorsque Game Cult a révélé ce week-end la finale avec The Last of Us et Skyrim, tu voyais les commentaires, il y avait des gens qui râlaient parce qu'évidemment, qu'il n'y avait pas GTA 5 dedans. Donc, c'était. Maturité. Je pense que. Ah, mais j'ai aussi beaucoup retrouvé des commentaires de gens qui disaient, mais. Pourquoi avoir mis Mirror's Edge et Mario Galaxy en face Je sais pas si c'est exactement ça, mais c'était des grosses. Je trouve que ça, c'était un... j'ai trouvé que leur, les groupes qu'ils avaient fait étaient plutôt sympas, justement, parce que ça, ça, je pensais que ça allait justement obliger les joueurs à réfléchir, à se dire, bon, ben, par rapport à, je sais plus, GTA était contre qui au début, contre Walking Dead, justement, GTA 5 contre Walking Dead, ça oblige les gens à réfléchir, normalement, quoi, ben, finalement, non. Donc, c'est pour ça, je dis mature. Tu veux dire que les lecteurs de Gamekult ne réfléchissent pas? Non, non, mais. Je participe beaucoup sur Gamekult, enfin, en tant que forumer, et c'est, je me suis pris énormément la tête sur des, enfin, non, je retrouve le même truc dans, sur Gameblog, le même truc sur JV.com, le même truc sur, sur des amis que je trouve croisés dans la rue aussi, quoi. Je trouve pas que ça plus mature, parce que on se retrouve toujours, justement, bah, tu utilises beaucoup le terme gamer, Sylvain, moi, c'est un terme que je déteste, parce que je trouve, enfin, ça veut pas dire grand chose. Tu as fait un article dessus, d'ailleurs. Je trouve que ça veut pas dire grand chose, en fait, le mot gamer, parce que gamer, ça fait un peu élitiste, et enfin, voilà, ça. Et tu vas pas me faire croire que la maman qui veut des jeux vidéo à Noël, elle va aller sur Gamekult. Franchement, aujourd'hui. Non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que oui, le public de Gamekult, un public de personnes qui jouent aux jeux vidéo et qui cherchent. Non, game. Enfin, oui, si tu veux, mais. Elle va lire l'avis de FNAC.com. En tout cas, voilà. J'aime bien prendre l'exemple de ma femme. Ma femme qui joue énormément à Dinner Dash. Je sais pas si tu connais Cake Mania, tout ça. Et qui adore ce genre de jeu et qui peut jouer des heures et des heures et des heures à ce genre de jeu, et pourtant elle va pas sur Gamekult nulle part, tu vois. Et pourtant, alors, est-elle une gameuse ou pas, je sais pas, mais quel jeu? Dinner Dash, donc c'est le pur jeu qu'on dit casual, tu vois. Donc, casual, mais c'est ça, donc elle fait partie des casual gamers. Ça va être celui justement nous qui irons. C'est pas le sujet. Donc nous c'est, irons c'est pas, voir l'article. Qui a... Si tu veux, on fera un podcast là-dessus. J'ai plein de trucs. Mais bon, bref. Article qu'avait écrit Manuel, je crois, au mois de janvier 2013, il me semble, en début d'année. Mais en tout cas, voilà, Manuel a publié un article dessus sur son blog. J'avais publié ça. Pour rappeler l'adresse du blog éventuellement. Vas-y, balance. C'est manukineko.free.fr. Exactement. Et en fait, c'est vrai que quand je disais le public de Gamekult n'est pas éduqué au game design, simplement c'est que ce n'est pas le public de Gamasutra. Et en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que malgré toute la passion éventuellement qu'on peut avoir, et le jeu vidéo c'est certes de l'argent, mais c'est aussi du temps, d'accord. Donc forcément, qu'on ne peut pas avoir tous les jeux, toutes les consoles, tous les machins, genre de choses. Et c'est vrai que sur les sites, on va dire, de jeux vidéo classiques, vous avez une note qui vient tout simplement, quand je dis une note, ou effectivement un article qui vient juger le jeu dans sa globalité, d'accord ? Effectivement, dire, quand on entre le début et la fin, l'expérience est un peu ça. Et je peux opposer ça, par exemple, à ce que fait un site anglophone, Gamasutra. C'est-à-dire que sur Gamasutra, il peut y avoir éventuellement... Enfin, on ne teste pas de jeu déjà sur ce site, mais on va dire que les intervenants peuvent éventuellement faire un article juste sur un niveau et vous dire, mais peut-être que le jeu est pourri, mais il y a un niveau dans le truc et le mec va décrire le niveau avec les photos en disant effectivement là quand on voit les deux gardes. Et je crois en fait que ce sont des choses comme ça, qui permettent éventuellement d'apprécier éventuellement, enfin d'être un peu plus fin dans son. Le problème, c'est que je pense que le public de Gamekult, enfin le public des forumers en général, qui vont sur des sites comme gamekultjeuxvideo.com, aiment bien ce genre de choses, de temps en temps, mais comment dire, il y a l'effet de groupe qui fait qu'on retournera toujours dans la guéguerre. Dans la guéguerre au pixel, machin, la course au pixel, la course au graphe, la course à ce que j'aime, et il y a très très peu de recul qui est fait. On aura beau leur montrer que maintenant le game design c'est plus l'âge de pierre, que maintenant il y a des règles, c'est comme le cinoche et tout ça. C'est tellement ancré émotionnellement le jeu vidéo, enfin c'est tellement une expérience, quoi, comme dans un film. On peut très bien aimer un film alors qu'il est tourné n'importe comment. C'est que les gens, enfin les joueurs prennent ça pour eux, et qu'il y aura, c'est très difficile d'avoir une discussion qui est très rationnelle, qui est très froide en fait, très technique, parce qu'il y aura toujours l'affect qui va rentrer en compte, et on aura beau leur montrer des podcasts, des qui vont expliquer pourquoi on a fait ça, que le jeu aussi c'est cohérent par rapport à ci, par rapport à ça. Les joueurs retomberont toujours dans le j'aime pas, la course au pixel, tout ça, quoi. Enfin, perso, jusqu'à maintenant, ça n'a pas beaucoup changé. Maintenant, on en vient au moment, enfin, je ne vais pas dire le moment fatidique, parce que en même temps, tu l'as dit. On l'a subi, d'accord. Mais c'est effectivement, donc, si on. Enfin, on a tous compris que c'était pas facile, qu'il n'y avait pas forcément un jeu qui devait machin. Mais imaginons maintenant que vous. que vous soyez voilà, projeté en plein épisode de Les Sopranos, hommage à James Gandolfini. Et effectivement, que l'un des personnages des Sopranos vous met un flingue sur la tempe et vous dise bon, je sais que. C'est quoi le jeu? Je suis à peu près voilà, suivi ce qui s'est passé ces 5-6 dernières années. Quel est pour toi le jeu que tu désignerais comme le plus voilà, de cette génération selon toi? Et ensuite, avec explication. Maintenant, il répond peut-être pas à tous les critères, mais voilà. Quelle serait, avec un flingue sur la tempe, hein, la réponse que vous donneriez à James Gandolfini? Bon, honneur aux invités, hein. Sylvain. Honneur à Sylvain. Allez, vas-y, Sylvain. Comment bah moi, ce serait Assassin's Creed 2. D'accord. Pourquoi? Alors, je pense que c'est. Merci. Et on attend impatiemment la réponse. Je pense que c'est le jeu qui a vraiment révolutionné le comment dire le jeu ouvert. Enfin le monde ouvert. Voilà, le monde ouvert. Merci. Avec moi qui n'avais pas aimé le premier épisode, je me suis engouffré un peu dans le deuxième épisode avec, on va dire. En n'étant pas très motivé, et c'est vrai que vraiment pour moi il m'a marqué parce que en termes de musique, enfin c'est je pense un chef-d'œuvre. Les autres épisodes n'ont pas fait mieux déjà en termes de musique. Après, je pense que au niveau des décors, tout ça, la façon dont ça nous rappelle vraiment l'Italie, il y a eu un vrai boulot de fait, et on a toujours l'impression d'être libre de ses mouvements. Alors évidemment, il y a quelques passages où il faut avancer l'histoire pour pouvoir débloquer certaines zones, mais je pense que vraiment, c'est un des meilleurs jeux qui peut, comment dire, qui peut résumer le monde ouvert, en général. D'accord. Ok. Merci. Manu, dis-moi, alors est-ce moi, que justement, qu'est-ce que tu... Moi, moi si je lui dirais ouais. Journey's Edge for Deadcraft. Ça va? D'accord. Parce que, c'est un donc peu... Donc tu un cours, tu fais un Yamakasi dans le désert avec, en construisant des maisons. Voilà, ouais. Parce que, bon, j'ai déjà parlé de Left 4 Dead tout à l'heure. Ouais, pourquoi Mirror Edge, ben, parce que c'est du... c'est un mélange plateforme, enfin, comment dire, c'est détourner le first person view pour de la plateforme en fait, et avec vraiment toute une cohérence au niveau de la, enfin, du concept qui est la fuite, justement d'utiliser la first person view, je trouve ça génial parce que justement ça restreint énormément le champ de vision, ce qui fait que ben t'es obligé de te retourner pour voir ce qu'il y a derrière toi, donc c'est vrai que t'es toujours en termes de fuite et de stress, donc je trouvais ça super intéressant. Ensuite Journey, bon, on en a parlé aussi, le côté coop, ben, différent, émotionnel, super minimaliste. Et puis Minecraft, ben, parce que c'est des Lego en jeu vidéo. Et que ça a jamais été fait. Et je trouve que tous ces jeux ont posé un jalon, sur, pour le futur. Enfin, j'espère, quoi. Ouais, et puis, peut-être à la rigueur aussi Braid, parce que ça a plus ouvert l'indies. Enfin, voilà, ça a montré que les indies pouvaient faire des bons trucs. Ça a démocratisé l'indies et qu'il y a tout beaucoup de gens après qui ont fait des trucs comme le ça. Le blockbuster, hein, indépendant. Voilà. Tout à fait. Voilà, ça serait ça. Merci. Et c'est vrai que, enfin, une question que je peux vous poser, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il y a forcément une légère continuité, on va dire, disons que les consoles se suivent déjà, pour commencer, mais est-ce que justement dans les jeux que vous nous avez cités, Assassin's Creed 2, Journey, Left 4 Dead, enfin, même si Manuel a fait un bundle. Désolé. Non, mais. Tout simplement, la question que je veux poser, c'est est-ce que dans la génération. En fait. Voilà, dans quelle mesure est-ce que l'arrivée de ces jeux-là était prévisible avec ce qu'on a eu avant, on va dire, dans peut-être la génération PS2, genre de choses, et est-ce qu'il y avait déjà des signes annonciateurs de l'arrivée de ces titres-là, Left 4 Dead, Mirror Edge, Assassin's Creed? Bonne question. J'ai pas Minecraft. Non, je pense pas. Enfin, Minecraft, c'est dérivé d'un truc en 2D d'un vieux machin, mais Dwarf non, Fortress, je pense pas que. Ce qui est impressionnant en fait avec, ce qui est marquant plutôt avec la génération qui s'achève, c'est qu'elle était bourrée de nouveaux concepts avec le TPS, en tout cas sur console. Hein. Elle était bourrée de nouveaux concepts. Ça a effectivement démocratisé l'indie. Mais du coup, vraiment, ce qui est marquant, c'est que avec le passage à la nouvelle génération qui s'annonce à la fin du mois, il y a moins cet aspect gros changement. C'est vrai que sur PS2, à l'époque de la PS2, de la GameCube, etc., on pensait surtout JRPG, tout ça, c'était vraiment des genres. Le JRPG, c'est aujourd'hui, à l'époque, c'était le genre qui vendait une console quasiment en Occident. Et voilà, on pensait surtout à ça. Aujourd'hui, c'est plus du jeu très occidental, du TPS, du RPG occidental, etc. Mais du coup, c'était des genres qu'on n'avait pas du tout sur PS2 et GameCube. Alors que sur très peu quand même. Enfin, c'était pas aussi répandu. Il y avait déjà du FPS. En fait, cette génération-là marque parfaitement le déclin des jeux japonais. Enfin, exactement. Et en fait, mais on arrive quand même. On arrive quand même avec la Xbox One et la PS4 à une génération où il y a moins ce clivage qu'il y avait à l'époque entre la PS2 et la Xbox 360 ou la PS3, que ce soit en termes de graphisme ou en termes de catalogue de jeux, tout simplement. Donc, je pense qu'on retrouve quand même pas mal de trucs similaires entre la génération d'avant et la génération qu'on a maintenant, en plus, en version plus, quoi. Je trouve que c'était beaucoup plus marquant le passage PSX, PS2. Enfin, il y a plus de trucs possibles, notamment GTA, il n'y a qu'à voir ça. Enfin, GTA, GTA en 3D. De la 3D, en fait. Voilà, ouais, le côté 3D, le côté cinématographique de MGS2, enfin, voilà. Alors que maintenant, j'ai plus l'impression de voir un truc plus, quoi, puisqu'on a... On a posé, les fondations. Quand on voit Resident Evil 4 qui lance le TPS sur GameCube. Après, sur Xbox, on va se taper du Gears of Wars et puis ensuite de l'Uncharted. Et on se tape trois jeux pareils. Enfin, Uncharted, c'est que sur PS3, quoi. En une génération, il y a trois Uncharted. En GTA, c'est déjà le cinquième, ça date de la PS2, c'est pas vieux, quoi. Ce dont tu parles, voilà, David a bien résumé la chose, c'est effectivement les fondations ont été créées sur PS2 et GameCube, et donc Xbox. Mais en fait, l'immeuble a été construit sur Xbox 360 et PS3, c'est beau ce que je dis. mais alors, sur Xbox One et PS4, finalement, c'est pas un immeuble qui sera construit, c'est peut-être un étage. Et parce que finalement, c'est tellement beau ce que je dis. Vraiment, il va falloir que j'enregistre ce podcast. mais donc, c'est ça. Je pense que vraiment, le changement, même si effectivement, était évidemment moins perceptible qu'à l'époque de la PSX et de la PS2, je pense que quand même, il a été là parce qu'il a révolutionné des genres qui étaient pas forcément très à la mode. Le FPS, il a été lancé, même si Halo avait fait bien le travail, parce qu'il a vraiment mis les bases du FPS sur console. Ouais. Mais contrairement à Killzone et Halo, ça a jamais démocratisé le FPS. Ce qui a démocratisé le FPS, c'est quoi? C'est Modern Warfare. Voilà. Ouais, les Call of Duty, le Modern Warfare 4, Le Call of Duty 4 qui a complètement révolutionné le FPS en multi et en solo, en le rendant beaucoup plus hollywoodien, etc. Ah oui, complètement. Mais que cette génération fasse en sorte que ce qui était fait avant soit plus démocratisé, oui, je suis complètement d'accord. Mais qu'elle apporte de nouvelles choses, au final, pas tant que ça. Counter, quand même, aussi, un petit peu, non? Counter-Strike. Ouais, Counter, c'est l'ancêtre du. Mais c'est vraiment. C'est vrai. Mais voilà, c'est super vieux en plus. Il y a aussi un autre truc qu'on a tendance à oublier, c'est l'impact du PC sur le monde des consoles. À l'époque de la GameCube et de la PS2 et de la Xbox, c'était des jeux qui étaient très consoles, etc. Il y avait finalement assez peu de portage. Et aujourd'hui, sur Xbox 360 et PS3, la quasi-totalité des jeux finissent par sortir sur PC, voire même sont déjà sortis sur PC, ils sont adaptés aux consoles. C'est le cas de Diablo 3. Est-ce que vraiment, à l'époque de la PS2 et de la Xbox, on aurait pu imaginer Diablo 3 sur console. Non, mais il y avait du Starcraft sur Starcraft 4 et tout ça. J'ai joué à Starcraft, excusez-moi, mais alors oui, bien sûr, complètement. C'est pas terrible. Le portage est mauvais par rapport à Diablo 3 sur console aujourd'hui, qui est excellent. Moi-même, je suis vraiment un joueur de Diablo 3 sur PC. J'étais le premier à dire, c'est quoi cette rigolade? Ils se prennent pour qui? Exactement. Et ben, j'ai joué à la démo sur PS3 et vraiment, j'ai été surpris. J'ai trouvé que le gameplay est vraiment bien fichu. Moi aussi, je ravale mon chapeau. Je pensais pas qu'il dépasserait les 10 ventes, sachant que voilà. Mais je sais pas combien des employés ou des fils des employés de Diablo. Enfin, et franchement, je ravale mon chapeau. Aujourd'hui, le PC finalement a quand même pas mal dicté la génération précédente et commence aussi à dicter la génération actuelle. C'est parce que justement les consoles deviennent puissantes. Donc c'est vrai que ce que je veux dire, c'est que les joueurs, comme ils sont aussi quand même bien basés graphic war et tout ça, le fait d'avoir des consoles qui soient aussi puissantes que des PC, ils sont super contents déjà d'une. Et puis il y a le côté Il y a le côté online aussi, donc les machines, les consoles comme PC sont super connectées, donc ben il y a voilà Diablo 3, tout ce genre de jeux, on peut faire plus facilement maintenant les faire sur console à cause aussi du online quoi. Et c'est vrai que donc, peut-être de se mouiller aussi, David, non ou pas du tout. Comment? On va essayer de se mouiller aussi nous, non? Ah oui, mais en fait, juste avant de donner la parole à Kamé pour qu'il nous donne effectivement son choix. Ah, c'est gentil. Enfin, lui, son titre. Simplement, comment est-ce que vous voyez, c'est-à-dire l'après? C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on a... Enfin, après, je dis ça, c'est un cas théorique. Hein, comme si, en fait, nous avions épuisé les concepts sur ces 7-8 dernières années et que finalement... le prochain grand titre éventuellement, ou la prochaine grande tendance, effectivement, ben, se fera dans cette relation entre le hardware et le software. Quand on voit beaucoup justement l'émergence des smartphones, l'arrivée de l'Oculus Rift. Ah oui, moi, clairement, moi je pense que effectivement, les ça, jeux sera moins dans le jeu vidéo autant que dans la relation, que dans l'interaction. Pardon. Ouais. Non, oui, juste que ça se passera, enfin que la révolution se passera moins dans le jeu vidéo lui-même, puisqu'effectivement, on voit aujourd'hui des univers ouverts à 25 km d'horizon, tout ça, tu vois, et de se dire effectivement que oui, la révolution passera, oui, dans l'interaction, tout simplement, que nous avons beaucoup plus que la Wii U, enfin que la Wii, pardon, mais cette fois, donc en passant par les smartphones, vraiment quelque chose de plus intrusif, même dans la vie privée. Oui, moi je pense qu'effectivement le jeu, enfin les genres de jeux qui feront date dans, enfin qu'on retiendra avec la prochaine génération, ça sortira pas sur Xbox One et PS4. Je pense que sur Xbox One et PS4, ça sera plus dans la continuité. Il y aura, on retrouve un Killzone, on va retrouver un Halo, évidemment qu'on retrouve un Gears of War. Il y aura du Call of Duty, il y aura du Battlefield, il y aura Dragon Age, il y aura, voilà, tout ça c'est des jeux qu'on a déjà vus avant et donc ça va continuer finalement en étant plus beau, avec de possibilités, que ce soit au niveau du online, etc. On a du Destiny qui redéfinit un petit peu les FPS online sans pour autant être un vrai MMO. Sans sortir sur PC, surtout. C'est des jeux intergénérationnels. Voilà, mais du coup, on va avoir, je pense, la quasi-totalité des jeux qui sortiront sur la prochaine génération de consoles de salon. Ça va être des jeux comme ça. Et là où il va... Là où il faudra trouver des surprises, là où on trouvera des surprises plutôt, ça sera pas sur Xbox One et PS4, ça sera sur les autres plateformes, que ce soit l'iPhone, Android, l'iPad, l'Oculus Rift, parce que je l'ai testé, et c'est vrai qu'effectivement, c'est vraiment une révolution. Ouais, mais ça reste quand même. Enfin, ça reste qu'un input, enfin un truc qu'il faut acheter en plus et oui, ça ne portera rien du tout en termes de gameplay. Voir des jeux indépendants, ça peut changer le gameplay d'un jeu, je pense. Et je pense que je pense aussi que toutes les consoles comme la Ouya, des plateformes comme ça peuvent effectivement voir arriver des jeux qui redéfiniront le jeu vidéo, en quelque sorte, sans pour autant le révolutionner, mais en tout cas, on va retrouver dans la Ouya et dans ces plateformes mobiles les jeux qui ont bousculé le jeu vidéo à l'époque de la Xbox 360 et de la PS3. Ouais. Mais ces jeux-là, on les retrouvera pas sur PS4 et Xbox One, tout simplement parce que les constructeurs, c'est pas dans leur intention de vouloir bousculer le jeu vidéo. Voilà, ils vont continuer dans les DLC, dans les microtransactions, dans le online. Ouais. Mais voilà, il y aura pas bousculer le jeu vidéo, c'est très ambitieux, c'est très risqué aussi. Donc est-ce qu'on est aujourd'hui dans une politique de risque d'investissement là-dessus? C'est ça, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Perso, moi je pense qu'on va retourner sur des trucs vachement plus simples. Ça m'étonnerait ça va pas durer si longtemps de se retaper encore un nouveau Elder Scrolls et tout ça. je vois vraiment une industrie qui va repartir sur le old school. Cet équilibre que je parlais en début, donc d'avoir des jeux qui soient pas complètement conceptuels ou complètement mainstream. Oui, mais est-ce que c'est sur console, parce que salon qu'on va les retrouver? Je pense que oui, on va retrouver ça un peu de partout, parce que je trouve que ce soit au niveau des smartphones, il y a, tu vois, on parlait des jeux qui ne font, enfin des concepts qui ne font pas forcément un jeu. Je trouve que ça soit sur smartphone ou sur tout ce qui est jeux indépendants, en fait, il y a énormément de choses qui ont été faites en très peu d'années, quoi. On est parti d'Angry Bird à des trucs super. Moi j'ai des jeux sur mon téléphone, genre Combo Crew par exemple. C'est du beat'em all, mais c'est du beat'em all à un doigt, quoi. Donc il y a énormément de trucs qui ont été. Mais ce que je veux dire, c'est super riche. Je vois ce que c'est. Il y a énormément de trucs qui ont été faits, qui ont été faits en termes de gameplay pour s'adapter au smartphone. Et je pense qu'on est je pense qu'on a atteint quand même super rapidement une limite dans l'innovation. La preuve, on se tape énormément de runner game sur smartphone maintenant. Et parce que c'est ce qui marche. C'est quand même ce qui marche, mais je trouve, ouais, mais je trouve qu'il y a très très peu de jeux qui font, enfin, qui sont adaptés correctement pour tirer parti des smartphones. Il y a déjà des genres de jeux qui sont complètement, enfin, qui sont infaisable, limite, quoi. Enfin, les FPS, tout ça, c'est pas jouable, quoi. Je trouve ça vraiment raté. Enfin, que ce soit tout ce qui est à base de boutons virtuels. Et je trouve que on atteint déjà une sacrée limite, en termes d'innovation dans ces petits jeux, parce que ça reste, au final, des petits jeux qui ne font pas des, enfin, qui sont super adaptés, voilà, pour du free to play, du machin comme ça, des petits trucs de 10 minutes, quoi. Et, je pense pas que ça soit à partir de ces jeux-là, qui vont redéfinir vraiment pour la génération à venir, redéfinir le jeu vidéo avec. C'est pas grâce à eux qu'on va trouver de nouvelles idées pour adapter ça sur console, sur PC, sur machin, quoi. Mais justement, je pense qu'il y aura vraiment une régression sur des jeux qu'on avait sur PSX et tout ça. Il y a qu'à voir tous les remakes qu'on se tape en ce moment. Mais attends, c'est n'importe quoi ce que tu dis. le jeu sur mobile, c'est une régression. Non, je pense qu'on va avoir une régression. Enfin, une régression, c'est pas une régression, puisque ça sera toujours des bons jeux, mais ce que je veux dire, c'est, on va retrouver des jeux qu'on avait quand on était sur PS6, des jeux qui restent simples, qui sont arcades, qui sont plus basés sur le contenu, que sur le gameplay. Je parle énormément gameplay, moi, hein, je parle surtout gameplay, voilà. Sur des trucs vachement plus simples, mais, riches, tu vois, tout ce qui est Call of Duty et tout ça, perks et tout ça, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je pense qu'on va retomber sur des jeux qui vont être vachement old school, quoi. Beaucoup plus old school que ce que l'on a maintenant. Et donc, tous ces jeux smartphone que l'on a qui sont pas old school, puisqu'ils inventent des nouvelles façons de jouer avec l'écran tactile, machin, d'adapter un beat'em all avec un écran tactile, d'adapter un jeu de plateforme avec l'écran tactile et tout ça. Je pense pas que ça, c'est des trucs qu'on va retrouver après sur console, sur PC, parce que ça reste quand même des petits jeux, enfin, comment dire. Ça n'est pas épisodique, on va dire, un peu addictif, tu vois. Voilà, c'est des jeux, y rester des heures dessus parce que le gameplay est super profond, super riche. Voilà, c'est des jeux où au bout d'une heure t'as fait le tour, quoi. Franchement, je trouve que c'est un peu trop, c'est vraiment choisir le raccourci. Pour moi, c'est pas un jeu sur mobile, c'est pas parce que c'est un jeu sur mobile que forcément ça va être court, etc., que effectivement ça peut être super joli. Il y a beaucoup de jeux effectivement qui sont très beaux mais qui durent une heure. Ok, ça, j'ai pas dit le contraire. Combo Crew m'éclate. Si tu joues à un jeu qui s'appelle Situs, c'est un jeu de Zik que je trouve vraiment génial aussi, parce que c'est bien adapté et tout ça, mais il y en a très peu au final. Mais sur console aussi, il y a très peu de jeux qui sortent du lot au final, à passer le Call of Duty annuel. Exactement. Donc finalement, on en revient. En fait, c'est pour ça que je pense que l'industrie, elle est à un point où ça va vraiment s'effondrer. On va retomber sur la base qu'on avait il y a une dizaine d'années, un cycle. Je pense que c'est plus un truc comme ça, plutôt que de continuer à avoir des nouveaux concepts qui vont émerger et tout ça. Et je pense pas que tous ces nouveaux concepts vont être des bases vraiment solides pour un genre de renouveau ou alors une bonne continuité du jeu vidéo et tout ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. À mon avis, je pense que c'est la fin d'un cycle, c'est vraiment la grosse fin d'un cycle là, et que ça va vraiment se casser la gueule et qu'on va repartir sur une base qu'on avait il y a 10 ans, quoi. D'accord. À mon avis, je pense. Voilà. Compris. Donc, Camé. Oui, c'est moi. C'est à toi de donner. On veut un nom. Vas-y, Vas-y. Clic. David m'avait dit en off ne cite pas Dark Souls, Demon Souls, s'il te plaît, machin. Je vais dire pourquoi. C'est parce que simplement, je le considère pas comme de cette gêne, mais comme d'une gêne d'il y a je sais pas combien de temps. Oui, voilà. Dans le sens où c'est du Die and Retry, c'est du Hard, c'est du. On ne prend pas la main. C'est du Kingsfield surtout. Voilà. Mais c'est un jeu que j'adore, hein, je tenais à le dire. Kingsfield, 94, hommage. Alors, moi, ça va peut-être vous surprendre. Vas-y. Mon jeu de la gêne, c'est Little Big Planet 2. Parce que, en fait, il regroupe tous les éléments qu'on a cités avant. Ouais. C'est-à-dire. Il est social. Manu, il est. Si, je veux écouter parce que j'ai pas joué à celui-là et je pense que oui. Alors, il est social. Il y a un truc qu'on a, dont on n'a pas parlé, c'est le CGU, Computer Generated Content, CGC, pardon. Ouais, ouais. Le Content Generated User. Désolé, je rame un petit peu. Donc, le contenu que crée l'utilisateur. Il y a du contenu utilisateur, on va dire. Donc, ensuite, il y a du, comment dire, chaque personne se transforme entre guillemets en game designer, parce qu'on peut créer ses niveaux à volonté, on peut créer des jeux différents, on peut créer du FPS, on peut créer du RPG, on peut créer du jeu de course, on peut créer du jeu d'aventure, on peut tout créer avec ce jeu. Finalement, est-ce que c'est pas celui-là qui représente le mieux la génération? Parce que finalement, bon, il est en ligne, il y a de la coop, il y a vraiment de tout. Voilà, on peut tout faire avec Little Big Planet. Donc finalement, je trouve que c'est assez représentatif. Il garde tout, on va dire, tous les éléments qu'on a cités, même du motion gaming. On peut faire du motion gaming avec. Oui. Donc voilà, je trouve que c'est assez complet en termes de représentativité de la gêne. Donc pour moi, ça serait plutôt Little Big Planet 2. Mais peut-être même plus que de la gêne, de l'histoire du jeu vidéo, carrément, on pourrait dire. Ouais, c'est possible. Dans c'est une mini-mesure. Sans rentrer dans la démesure, mais pour moi, voilà, cette gêne-là, on va dire qu'il regroupe vraiment tous les éléments de cette génération. En plus, c'est de la plateforme, tout le monde peut y jouer. Tu peux être casual ou on va dire hardcore et faire tous les niveaux, les trucs secrets, machin. Hein. Tous les trophées ou ce que tu veux. Tu peux être tout simplement casual, donc je disais, tu peux avoir 10 ans et jouer à Little Big Planet. C'est très simple, tu as juste un bouton pour sauter, éventuellement un bouton pour t'accrocher. Oui. Après, ils ont rajouté des finesses, mais ça, c'est autre chose. Tu peux avoir des flingues, tu peux. C'est, voilà. C'est-à-dire que moi, ce jeu-là, pour moi, c'est le jeu de la gêne. La question est-ce que si Mario n'existait pas, est-ce que Little Big Planet aurait existé? Aussi. Parce que ça reste quand même des grandes bases, plateformes et tout. Mais tout ce que tes créations n'avait pas existé. Non, c'est pas ça. Non, je parle encore une fois, c'est au niveau de gameplay. Hein. Tout à fait. Bon, après, le gameplay est tellement simple. C'est-à-dire que tu sautes pas sur la tête des ennemis. Hein, ça reste de la plateforme. Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, tout ce qui est côté création, oui, ça rejoint. Pas de champignons, en tout cas. Ça rejoint Minecraft et tout ça, en gros. Oui, aussi, oui. Et d'ailleurs, c'est même Little Big Planet qui a même plus lancé le. Ouais, en fait, voilà, ce qui s'est passé dans une certaine mesure, c'est que Minecraft est parvenu à accomplir ce que Little Big Planet en fait aspirait en fait à générer en quelque sorte. Et c'est juste que Minecraft. J'ai dit le 2, non sans malice, parce que le premier ne permettait pas forcément de faire que tous les jeux possibles et imaginables. Le 2 le permettait. C'est pour ça que j'ai préféré dire le 2, mais après, dans l'esprit, c'est Little Big Planet, la franchise, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Perso, ouais. Bah, Sylvain, est-ce que t'as un petit, justement. C'est vrai, j'avais oublié. Par rapport à Little Big Planet, c'est vrai que je suis d'accord, effectivement. Parce que c'est vrai que c'est un super choix, d'ailleurs. J'y pense. Les gars. Non, mais oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est un très bon choix parce que, voilà, ça résume, c'est un des jeux qui résume le mieux, finalement, toutes les avancées possibles dans le jeu vidéo qu'on a eu cette génération. C'est vraiment donner le pouvoir aux joueurs. C'est ça. Et on est tous game designer quelque part. Exactement. Et et puis d'ailleurs, c'est lui aussi qui a eu plein de DLC. C'est voilà. Exactement. En gros, il y a énormément de DLC. Avancées. Alors, je sais pas si on peut vraiment parler d'avancées dans le cadre des DLC, mais voilà, c'est vraiment tous les changements dans le jeu vidéo. C'est lui qui les a en grande partie concentrés. Exactement. La customisation aussi, il y a pas mal de customisation dans les jeux. C'est vraiment le modèle d'excellence dans ce domaine-là, quoi. C'est que Kamé m'a un peu gâché le truc parce que moi je comptais dire Arkham City. Ah, je plaisante. You know, ever since I arrived in New York,